Mais une convulsion effroyable la saisit, un spasme si cruel qu'elle se dit « Je vais mourir, je meurs. » Alors, une révolte furieuse, un besoin de maudire emplit son âme, et une haine exaspérée contre cet homme qu'il avait perdu et contre l'enfant inconnu qui la tuait. Elle se tendit dans un effort suprême pour rejeter d'elle ce fardeau. Il lui sembla soudain que tout son ventre se vidait brusquement, et sa souffrance s'apaisa. La garde et le médecin étaient penchés sur elle, la maniaient. Ils enlevèrent quelque chose, et bientôt, ce bruit étouffé qu'elle avait entendu déjà la fit tressaillir. Puis, ce petit cri douloureux, ce miaulement frêle d'enfant nouveau-né, lui entrant dans l'âme, dans le cœur, dans tout son pauvre corps épuisé, et elle voulut, d'un geste inconscient, tendre les bras. Ce fut en elle une traversée de joie, un élan vers un bonheur nouveau qui venait d'éclore. Elle se trouvait, en une seconde, délivrée, apaisée, heureuse, heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Son cœur et sa chair se ranimaient, elle se sentait mère. Elle voulut connaître son enfant. Il n'avait pas de cheveux, pas d'ongles, étant venu trop tôt. Mais, lorsqu'elle vit remuer cette larve, qu'elle la vit ouvrir la bouche, pousser ses vagissements, qu'elle toucha cet avorton fripé, grimaçant, vivant, elle fut inondée d'une joie irrésistible. Elle comprit qu'elle était sauvée, garantie contre tout désespoir, qu'elle tenait là de quoi aimer à ne savoir plus faire autre chose.